Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International à Belle Église Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Lady Reverend Grace Irene. Enseigne-moi. Que tu puisses avoir libre cours dans ce lieu, que tu fasses ce que tu voudras dans nos vies. Seigneur, que ta parole puisse nous enseigner, Seigneur, les choses qui nous concernent. Comment avancer dans notre foi, dans notre vie de prière. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, ce matin. Nous nous humilions devant toi, devant ton trône, et nous disons, Seigneur, que nous ne sommes rien. Je déclare, Seigneur, que ta parole aura fait ou accomplira ce que tu l'enverras faire dans nos vies. Je déclare, Seigneur, que les vies seront changées par ta parole. Je déclare, Seigneur, que ta parole aura l'effet désiré. Merci, Seigneur, pour le privilège de l'écouter ce matin, de le recevoir dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour un cœur disposé. Nous te rendrons toute la grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Où est tout le monde ce matin? C'est le jeune qui frappe comme ça. Ça frappe, hein? C'est le jeune ou la prière? Combien ont prié ce matin? Hey! Pourquoi les autres? Vous n'avez pas prié parce que on ne vous a pas réveillé? Ou parce que vous venez à l'église, donc c'est pas la peine. Hey, you ensemble. Qui a prié ce matin? Shepherds, look at your sheep. Ok. Pour la dernière fois, qui a prié ce matin? J'ai pas regardé aux instrumentistes. All right, no problem. Amen. Je crois que c'est un moment qu'on doit prendre au sérieux. On doit profiter de ces moments pour pouvoir prier. Amen. Parce que nous savons tous que c'est pas facile de prier. Donc, en ce moment où nous sommes presque obligés de prier, il faut vous efforcer. Amen. Sinon, vous n'allez jamais prier. Amen. C'est un exercice de jeûne et de prière. Vous voyez? Et je crois que si on prend ça au sérieux, à la fin des 3 semaines, nous aurons cette habitude et ce désir, ce goût de prière. Et nous allons prier. Même si c'est 1 heure par jour, ça serait court à nos yeux. À partir de maintenant, là, quand on te demande de prier 1 heure seule, it's nothing. Ok? Donc si vous ne profitez pas pour le moment, vous n'aurez pas cette culture, you see. And if I see you chewing gum, I'll call you and ask you to just go and finish chewing your chewing gum outside. I'm looking at you, in particular, you. You, yes. Don't look anywhere, it's you. You know I'm talking to you. So I'll tell you to go outside and finish chewing it outside. Do you understand? Outside the gate. Ici, c'est la Kodesh. On ne mange pas le chewing gum ici. Vous avez compris? Ok. Praise the Lord. Alléluia. Ok, nous sommes toujours dans la prière. Amen. Amen. I'm giving you the opportunity to remove the chewing gum. I'm telling you. Ok. Ah. 1 Timothée, chapitre 2. Depuis quelques semaines, nous sommes en train d'apprendre comment prier. N'est-ce pas? Parce que si on vous demande de prier 2 heures et vous ne savez pas comment prier, ça sert à quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez parler comment? Quel sera le sujet de votre prière? N'est-ce pas? Et pendant 2 semaines au moins, on parle de comment prier. On a regardé la prière de notre Père, n'est-ce pas? On a appris beaucoup de choses, beaucoup de sujets de prière qui vont durer plus d'1 heure. Et deuxièmement, on a vu la prière de l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens. Et là aussi, on a vu que ça peut durer encore une heure et quelques. Donc, on a déjà 2 heures de prière, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va regarder la prière de Timothée. Alléluia. Et nous allons encore compléter la troisième heure de prière. Amen. Alléluia. Donc, 1 Timothée 2, du verset 1 au verset 3. On commence ensemble, s'il vous plaît. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Paul exhortait Timothée à faire toutes sortes de prières. Il savait que si tu faisais une sorte de prière, tu seras fatigué après quelque temps. Donc, il y a beaucoup de sortes de prières. Et il faut faire toutes sortes de prières quand vous priez. Ok, quand vous priez, c'est facile de dire parce qu'après tout, on a dit que tu peux faire beaucoup de choses en priant. Tu peux écouter, tu peux lire. Il faut apprendre à prier toutes sortes de prières. Amen. Alléluia. La Bible dit que quand vous priez en nouvelle langue, votre esprit, votre intelligence ne comprend pas. C'est vrai. Mais quand même, il y a des différences dans nos prières. Alléluia. Et vous devez chercher la différence. Vous devez savoir, oh, là maintenant, je suis en train de faire des actions de grâce. Là maintenant, je suis en train de faire une intercession. Là, je suis en train de... Amen. Toutes sortes de prières. Alléluia. Des supplications, numéro 1. Des requêtes. Certains d'entre nous, c'est seulement des requêtes que nous faisons dans nos prières. Oh Seigneur, c'est pas facile d'être. J'ai besoin de... Et puis tu commences. Notre pain quotidien. Et puis ça, c'est la prière pour une heure. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais il faut ajouter d'autres sortes de prières. Alléluia. De requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Quand vous priez, faut pas prier seulement pour vous. Amen. Faut prier pour tous les hommes et les femmes. Amen. Pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Alléluia. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Qui aimerait vivre une vie de paix? Une vie paisible. Qui cherche une vie paisible? Il ne cherche pas le palabre, n'est-ce pas? Nous voulons tous vivre paisiblement. Alléluia. La Bible dit que si, autant que cela est possible, il faut vivre en paix avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Y compris l'homme qui te fatigue là. Le landlord. Qui a des problèmes de landlord? Qui n'a pas de problème? Qui a des problèmes avec son landlord? Only you. Mais levez vos mains. Vous ne savez pas ce que je vais faire. Est-ce que vous avez déjà prié pour votre landlord? De manière sérieuse. Amen. La Bible dit, il faut prier pour tous ceux, pour les rois d'abord. Le roi, c'est qui? Le roi, c'est quelqu'un qui représente l'autorité. Amen. Et tous ceux qui sont élevés en dignité. En dignité. Ça veut dire que les gens, soi-disant, importants dans la société. Isn't it? Alléluia. Afin que vous meniez une vie paisible. Si tu dois ou tu veux mener une vie paisible dans ton foyer ou dans ta maison, là où tu habites, faut prier pour votre landlord. Amen. prier que tout marche bien. Prier pour sa femme, pour que la femme ne lui donne pas trop de problèmes. Parce que si sa femme lui donne des problèmes, il mettra ça sur toi. Dis si. Donc, voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut prier pour les rois. Amen. Priez pour vos présidents. Beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas contents ou satisfaits de nos pays. Je crois que c'est le problème de l'Afrique. Amen. Le problème de l'Afrique, c'est pas que nous manquons d'intelligence ou que nous manquons de ressources. C'est parce que nous n'avons pas de bons leaders. Ça, c'est pas une chose nouvelle que je vous déclare. C'est une réalité. Et je crois que tout le monde doit comprendre et accepter que ça, c'est la réalité. On the ground. How do you say on the ground? Sur le terrain. Amen. Ça, c'est la réalité. Et si vous ne priez pas pour vos présidents, vos leaders, ça va continuer jusqu'à perpétuité. Les leaders qui vont suivre vont faire les mêmes choses. Et souvent, nous avons des gens qui sont en opposition. Et quand ils sont en opposition, ils voient toutes les fautes que les autres commettent. Mais donne-leur le pouvoir. Pendant une minute, une heure, vous allez commencer à voir les mêmes traits. Amen. Priez pour vos présidents. Priez pour vos pays. Alléluia. C'est une sorte de prière que nous devons faire. Et nous devons faire ça de manière sérieuse. Alléluia. Parce que rien ne va changer si on ne prie pas, si le chrétien ne se lève pas pour prier. Amen. C'est pas quelqu'un d'autre qui va faire la prière pour toi. Amen. Priez pour vous-même. Priez pour vos pays. Alléluia. Amen. Si le président ne prend pas de bonnes décisions, ça va vous affecter. Yeah. Qui expérimente toujours les light off? Wow. De temps en temps, c'est pas aussi régulier comme avant. C'est mieux. Ça c'est beaucoup amélioré. Yeah. Mais lorsque ça, on était en pleine doom saw, c'était dur. Yeah, c'était très dur. Et c'est parce que quelqu'un n'a pas pris une bonne décision. Si on devait virer des gens depuis, on n'a pas viré ces gens. Ils étaient restés là pendant des années à faire les mêmes choses, des choses qui ne marchent pas. Depuis le jour de Kwame Nkrumah, 1957, qu'on a construit le barrage, jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, tu continues à ajouter des gens à des villages et même des quartiers. On donnait de l'électricité au Togo à un moment donné. En Côte d'Ivoire aussi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a de l'électricité que nous achetons. Yeah. À un moment donné, c'est nous qui donnions de l'électricité au Togo, je crois au Bénin, et en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est nous qui achetons de l'électricité chez les Ivoiriens. Est-ce que ça, c'est un bon leader C'est une manque de bons leaders dans notre pays. Amen. On était le pays le premier producteur de cacao. Depuis 1960, je ne sais pas quand, on n'est plus le premier. C'est encore la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes sur la même voie. Amen. Et si on continue comme ça, je ne sais pas où nos enfants seront quand ils seront grands. Aujourd'hui, le Ghana a beaucoup de dettes. Tous les jours, tu vois le président en train de demander les Chinois de l'argent, les Japonais de l'argent, les Européens de l'argent, les Coréens. de l'argent, de l'argent. Est-ce que vous savez que nous avons prêté de l'argent en Corée? Yes! Encore l'époque de Kwame Nkrumah. Et je ne comprends pas où nous allons. Et c'est notre faute, parce que la Bible dit que si nous prions pour les rois, les leaders, nous allons vivre une vie paisible. Alléluia. Voilà pourquoi on dirait que les Ghanéens prient. Amen. On a compris très tard que c'est la prière qui va changer les choses. Amen. Et si moi j'étais vous, j'allais aussi prier. Amen. Pour avoir un leader qui va prendre des bonnes décisions concernant le pays. Amen. La vérité, c'est que les leaders africains veulent remplir leur poche avant de quitter. Récemment, il y a eu un scandale où un ministre de gouvernement, elle parlait dans sa voiture et son chauffeur a enregistré. Et elle disait à quelqu'un, je ne sais pas qui, si c'était un appel téléphonique, elle dit, moi je veux faire mon million de dollars et puis je vais partir. Elle a dit, je veux faire seulement un million de dollars et je vais partir. Ça veut dire que les autres bouffent plus. Moi, c'est seulement un million que je veux. Un million, ça me suffit. Mais ce un million viendra d'où? Ça viendra d'où? Ça viendra de tes poches. Ils ont augmenté encore le pétrole, l'essence. Ça fait combien de temps que tu es au Ghana? 4 ans. Ça, ils ont augmenté l'essence combien de fois? Chaque trimestre. Yeah. On dirait tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et ça, tout ça là, c'est pour chercher de l'argent. L'argent qui va dans les poches de quelqu'un. Augmenter l'immigration, le visa, ils ont augmenté, tout augmenté. Quand président Koufoua a changé le Ghana City. Avant, on portait un million. Maintenant, c'est 100 Ghana, 100 Ghana. C'était bien. Un dollar égalait à un Ghana Cedis. Aujourd'hui, c'est presque 3 Ghana Cedis. Dans combien d'années? 3 ou 4 ans. Amen. Where are we going? Il faut qu'on se lève pour prier pour le gouvernement. Amen. Sinon, nous n'allons pas vivre une vie paisible. Nous allons continuer à nous plaindre. Ah, la vie est dure. Ah, ça chauffe. Le Ghana n'est pas facile. Tout ça. Quand est-ce la dernière fois que tu as prié pour... Est-ce que vous connaissez même le nom de notre président? Il s'appelle comment? Comment est-ce que tu vas prier pour quelqu'un que tu ne connais pas? Amen. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 28, verset 2. Priez pour eux. Priez pour eux, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui se passe. Amen. Ils ne sont pas au plein contrôle. Ils sont au contrôle, soi-disant, mais ils ne sont pas au plein contrôle. Amen. Ézéchiel 28. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Amen. Lisons maintenant le verset 12. Fils de l'homme, prononce une plainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, escarboucle, d'émeraudes et d'or, des tambourins, des flûtes. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Alléluia. Dieu parle à qui? Qui? À Lucifer. Mais il s'adresse au prince de Tyr. Tyr, c'était un endroit, un pays qui existait. Et il y avait un prince, il y avait un roi dans ce pays, Tyr. Donc vous voyez, quand il y a des princes et des rois sur la terre, il y a aussi, si vous voulez, l'équivalent spirituel. Amen. Qui, en fait, c'est lui qui tire les ficelles. Et celui qui est sur la terre, c'est comme un une marionnette. That's the word. Amen. Donc, si vous ne priez pas pour votre président, il sera tiré par des autres choses, des autres esprits. Les décisions qu'ils vont prendre seront prises parce qu'il a été influencé. Amen. Are you listening to me? C'est important de prier pour ceux qui sont en autorité. Alléluia. Si votre pays n'est pas stable, vous ne pouvez pas rester là. Beaucoup de gens ont fui leur pays quand il y avait des coups, des instabilités. Il y a beaucoup de Togolais qui ont fui quand il y avait des problèmes, n'est-ce pas? Ils sont restés maintenant, ce sont des Ghanéens qui votent dans la région Volta. Et ils votent pour NDC. Yeah. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui sont venus à cause de la guerre. Yeah. Et quand on ne passait pas les élections, on priait. Parce qu'on disait, à gauche, il fait chaud. À droite, il fait chaud. On va partir où? Oh non! Ce sera difficile. Amen. S'il y a les Ivoiriens ici, les Togolais ici, nous, on va sauter et puis partir où? Voilà. Donc, il faut prier pour les présidents. Quand on parle de vie paisible, aujourd'hui, vous pouvez vous lever pour venir ici, aller faire les all night, rentrer tranquille. Mais, demandez à ceux qui ont passé par les guerres et les guerres civiles, les coups d'État. Si, pendant cette période, vous pouvez vous lever, dire, oh, moi je vais faire all night. Moi je vais faire une répétition. Je vais à la Kodesh. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc c'est important pour vous, ne pas prendre ce que nous vivons ici à la légère. Alléluia. C'est dur, mais ça peut être encore plus dur. Si vous blaguez, si vous jouez dans la prière. Amen. I hope you are listening to me. Amen. 2 Corinthiens 4:4. Juste pour vous montrer que ce n'est pas Dieu qui contrôle ce monde. Je veux que vous compreniez quelque chose. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il y a un Dieu dans ce monde, dans ce siècle. Amen. Et c'est lui qui contrôle. C'est lui qui dirige. Et Dieu ne peut pas agir si nous ne nous levons pas pour prier. C'est vrai qu'il est omnipotent, mais il est limité par nos prières sur cette terre. Amen. Parce que quand Adam a péché, il a donné les clés. Et Dieu obéit à ses propres principes. Il ne va pas mettre de côté ses principes. Même pas pour lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Genèse 20. Il y a une histoire dans ce livre où Abraham était avec sa femme, Sarah. Ils allaient vers la terre où Dieu lui avait demandé d'aller. Et en passant par là, j'ai oublié le nom du pays. Ils étaient dans un pays où le roi Abimélec avait vu Sarah et il a vu qu'elle était belle. Il voulait la prendre comme épouse. Ok? Et Abraham avait tellement peur, il a dit à Sarah, sa femme, « Dis que tu es ma sœur pour qu'on ne me tue pas. Parce que s'ils savent que tu es ma femme, ils vont me tuer pour t'avoir. Donc, pardon, entre nous, dis que tu es ma sœur. » Et ce n'était pas un mensonge. À l'époque, ils se mariaient entre eux. C'était sa demi-sœur. Ok? Donc, il s'est tué et le roi Abimélec est parti prendre Sarah. Il a fallu l'intervention de Dieu. Vous les hommes, parfois vous prenez des décisions tellement insensées que Dieu lui-même doit intervenir. Juste pour sauver sa fille. Pray for yourselves. Le verset 7. Il dit, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il, c'est qui il? Abraham, priera pour toi et tu vivras. Amen. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Dieu a dû intervenir pour sauver Sarah. Mais son intervention aussi dépendait de la prière d'Abraham. Et si Abraham n'avait pas prié pour le roi, il allait mourir, lui et son entourage. Amen. Vous devez prier. Au lieu de critiquer vos présidents, de faire des dessins animés en Superman de vos présidents, il faut prier pour eux. Amen. Alléluia. Vous priez pour vos présidents et priez d'une manière sérieuse, intercession, comme si tu priais pour ton père, comme si tu priais pour ta mère. Amen. Parce que s'il prend une mauvaise décision, ta vie va changer. Ta vie va changer complètement. S'il y a une guerre, ton fils a quoi? Au Ghana aujourd'hui. Ouais, Oligo. Before the money, avant que l'argent ne vienne pour que tu achètes ton billet pour aller au Congo. Parce que on peut aussi fermer les aéroports. Tu feras quoi? Il peut fermer les frontières. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nager. Jusqu'où? Amen. Je veux juste souligner l'importance de la prière pour les gens qui sont en autorité. Amen. Une personne qui peut dire, ok, tu sais quoi, toi, il faut revenir. Il faut revenir. Si ton père te demande de venir maintenant, là, tu es obligé de partir. N'est-ce pas? Yeah. So, si tu ne veux pas partir tout de suite, tu veux compléter, il faut prier pour ton père. Père, pardon. Seigneur, ne touche le corps de mon père. Je ne veux pas retourner maintenant. Je veux au moins compléter. Il ne faut pas attendre qu'il te dise, viens, pour que tu commences à te demander comment est-ce que je peux être rebelle sans être rebelle. Alléluia. Priez pour ceux qui sont en autorité. C'est tellement important. C'est tellement important pour vous. Ne prenez pas ça à la légère. Amen. Ceux qui peuvent dire, Bernice, fais ceci et ça va changer ton destin. Priez pour eux. Moi, je prie toujours pour la faveur. I pray for favor all the time. All the time. I mention their names. Celui qui peut prendre une décision, toi, aujourd'hui, tu vas partir à Kukurentumi. Toi, tu vas partir ici. Je prie pour la personne. Je connais ceux qui sont en autorité dans ma vie, qui ont une autorité dans ma vie. Je sais. Et je prie pour eux. Amen. Alléluia. Yeah. Sinon, votre vie sera comme sur la mer. Tu vas attendre la vague pour savoir où tu vas finir. Amen. La prière. L'importance de la prière. Amen. Alléluia. Amen. C'est écrit dans le livre. C'est avec le livre que je prêche, hein, comment prier. Donc, ne cherchez pas trop. Tout d'abord, nous devons prier pour les décisions. Amen. Pour que les décisions ne soient pas seulement fondées sur l'égoïsme des présidents. Amen. L'égoïsme, les désirs égoïstes, égocentriques. Amen. Quand on a changé notre système d'éducation de haut levels, donc l'ancien système anglais, pour ce nouveau système que personne ne comprend, le SSS, le président à l'époque avait envoyé ses enfants à lui, à l'étranger. Est-ce que vous comprenez? Il a changé le système, mais il a aussi envoyé ses enfants à l'étranger. Donc pour nous qui ne pouvons pas payer pour que nos enfants aillent à l'étranger pour étudier, on devait subir ce système que personne ne reconnaît, à part les pays d'Afrique de l'Ouest entre eux, le WASI là, les pays anglophones. Chez les francophones, vous avez aussi le même système. Non, je veux dire, entre les pays francophones, vous avez un système. Et ce système est reconnu par la France. C'est la même chose que la France, n'est-ce pas? C'est même pas. En France, est-ce qu'ils font BEPC? En France, ils appellent ça BEPC. I don't think so. Et le bac. Parce que mes enfants étaient à l'école française ici à Accra et on ne parlait jamais de BEPC, hein. Je ne sais pas ce que ça appelle parce qu'elles ont quitté avant, mais je n'ai jamais entendu le mot BE ou les brevets. BEPC. Ils accordent des brevets. Ah, ok. Well. En tout cas, pour nous, là, ça ne marche pas. Aujourd'hui, un président viendra, il va dire, ok, ça va durer 3 ans. Le lendemain, l'autre président va venir, il dit non, 4 ans. Puis les enfants sont à l'école. Ils font 3 ans et après ils disent non, c'est 4 ans, ils vont rester encore 4 ans. Donc, ceux qui viendront, ils vont dire, nous, c'est pour 3 ans ou c'est 4 ans. Ok, ceux qui sont en train de faire 3 ans, ils vont rester, 4 ans vont rester avec ceux qui vont faire 3 ans, ils vont terminer ensemble. C'est quelle confusion. Personne ne sait s'il vient ou s'il part. Est-ce que toi tu comprends le système SS, voici? Tu ne comprends pas. Mais tu as fait WASI. You did WASI. I did O level. Toi, tu as fait WASI, tu ne comprends pas le système. Comment est-ce que moi, je vais comprendre le système? Personne ne comprend. Je suis sûre que même le président, si je l'appelle maintenant, assieds-toi, explique-moi. Le WASI, là, c'est quoi? On dit, ouais, vous savez comment les présidents répondent. Ils disent beaucoup sans vraiment adresser le sujet. Yeah. Et beaucoup d'entre vous êtes comme des politiciens. Vous parlez beaucoup, vous ne dites rien. Alléluia. Amen. Priez pour vos présidents. Pour que vous puissiez mener une vie paisible, une vie agréable. Je veux être capable d'épargner. Quand je gagne, je mets de côté. Ou que quand je serai à la retraite, j'aurai un peu d'argent. Je vais épargner pour pouvoir envoyer mes enfants pour les vacances, pour faire des stages. J'aimerais ne pas réfléchir trop par rapport à l'éducation de mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Je veux être capable de dire, ok, dans 5 ans, j'aurai une nouvelle voiture. Mais pour le moment, dans les 5 ans, je prie que je n'ai pas d'accident. Parce que je ne sais pas d'où viendra la nouvelle voiture. Do you understand? Pour prier. Pour prier. Pour qu'ils ne prennent pas de décisions par égoïsme. Ni par des désirs égoïstes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous êtes jeune, peut-être vous ne travaillez pas, c'est papa qui envoie l'argent, donc vous ne comprenez pas ce que c'est. Mais un jour, vous allez grandir. Vous allez bientôt travailler. Certains ont déjà commencé leur famille. Quand les enfants vont commencer les cours, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Yeah, priez aujourd'hui pour votre président, pour qu'il prenne des décisions qui vont favoriser Caris, qui vont favoriser Raphaëlla. Amen. Priez. Priez. Alléluia. Priez pour les futurs présidents. Dis, Seigneur, n'importe quel homme qui sera à la tête ou femme qui sera à la tête de mon pays, Seigneur, remplis cette personne de sagesse, une sagesse qui vient d'en haut. Que cette personne soit quelqu'un qui te craint, qui te connaît, pour qu'il prenne des bonnes décisions. Amen. Are you listening to me? It's important to pray for your leaders. Il est très important de prier pour vos leaders. Vos leaders, pas seulement de votre pays, leaders chez vous, c'est-à-dire votre père, ou celui qui prend des décisions chez vous, peut-être c'est votre mère, ou votre oncle, je ne sais pas. Amen. Pour le pasteur. Amen. Pour l'évêque, Dag et Wadmills. Yeah. Parce que s'il prend une mauvaise décision aujourd'hui, nous sommes tous dans la mer. Amen. S'il dévie un peu à gauche de la parole de Dieu, nous sommes tous... Allô? Amen. Priez pour lui, qu'il soit toujours connecté à Dieu. Qu'il soit toujours dans la présence de Dieu, qu'il écoute toujours la voix de Dieu, qu'il obéisse toujours à la voix de Dieu. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Si aujourd'hui il décide, ok, je vais... What decision can he take? Je vais épouser 4 femmes. Ou il dit, je vais épouser ma sœur, parce qu'Abraham a épousé sa sœur. Et ça affecte nous tous. Vous ne pouvez pas dire, ah, ça c'est son problème. Non! Parce que c'est un signe de quelque chose de grave. Est-ce que vous comprenez? Donc priez pour lui, c'est un être humain. C'est un être humain. Priez qu'il suit Jésus-Christ. Parce que nous, on le suit. Comme Paul a dit, suivez-moi comme je suis Jésus-Christ. Amen. Donc priez qu'il continue à suivre Jésus-Christ. Il faut prier seul. Merci. Il faut prier pour lui. C'est une autorité dans votre vie. Il ne peut pas, peut-être il ne te connaît pas de nom ou de vue, mais une décision qu'il peut prendre peut t'affecter. Amen. Priez pour moi. Yeah. Because I can shift you to drama. Amen. Fred, I can shift you to praise and worship. Yeah. Faut prier. Alléluia. Amen. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à jeûner pendant, je crois que c'est une semaine qui reste. Une seule semaine. Vous avez survécu. Vous avez fait 2 semaines. Regardez comment vous êtes. Vous êtes encore plus beau. Et encore plus belle. Et encore plus spirituel. Alléluia. Donc, profitons-en. Si vous n'avez pas jeûné, c'est pas grave. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont en Christ. Alléluia. Mais vous pouvez continuer. Dites à vous-même que je vais faire une semaine de jeûne et de prière. Amen. Nous prions 5 heures par jour. 2 heures chez nous, 3 heures ensemble. Alléluia. Donc, faisons tout pour terminer bien. Et je crois que ça va nous aider. Ça va stimuler quelque chose en vous. Alléluia. Pour les jours à venir. Amen. Levons-nous. Ou levez-vous. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Commençons à prier. Dire merci à Dieu. Commencez à dire merci à Dieu. Ouvrez la bouche et parlez. Parlez à Dieu ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, même pour le président que nous avons dans ce pays. Merci, Seigneur, parce que c'est un homme qui est entre tes mains. Et tu peux le changer. Tu peux lui donner, Seigneur, la sagesse qu'il faut. Seigneur, merci pour cette opportunité de prier pour ceux qui sont en autorité dans nos vies, qui ont l'autorité sur nous, pour les rois, les leaders, les présidents. Seigneur, merci. Merci parce que la prière peut changer quelque chose. La prière peut changer nos destins. La prière peut changer notre avenir. Seigneur, merci pour l'opportunité de prier. Merci pour la grâce que tu nous fais d'écouter à nos prières et d'exaucer nos prières. Nous élevons nos présidents, nos parents devant toi, notre pasteur devant toi, Seigneur, et nous demandons que tu aies pitié d'eux. Seigneur, fasse briller ta face sur eux. Fais briller ta face sur eux, Seigneur, afin qu'ils puissent te recevoir et te connaître davantage. Seigneur, merci, merci, merci pour cette opportunité. Le privilège d'être ceux qui prient afin que tu puisses agir. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Seigneur, merci. Nous allons continuer à prier. Nous allons persévérer dans la prière parce que nous savons que la prière marche. Que sans la prière, tu ne vas pas agir. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, nous te remercions. Au nom de Jésus. Frère, j'aimerais prier avec vous cet après-midi, ce matin. Si vous êtes là, quelqu'un vous a invité ici, mais vous savez que vous ne connaissez pas Jésus-Christ personnellement. Si vous mourrez aujourd'hui, vous ne savez pas si vous irez au ciel ou à l'enfer. L'enfer est réel. Vous croyez en Dieu, il faut croire aussi que l'enfer existe. Et ce matin, vous voulez dire, « Pasteur, prie pour moi parce que je ne sais pas où j'irai si je meurs aujourd'hui. Je veux te connaître davantage. Je veux connaître Dieu davantage. Je veux servir Dieu. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Pasteur, prie pour moi parce que je veux avoir une relation personnelle avec Dieu. Si vous êtes là comme ça, j'aimerais prier pour vous. Levez la main. Levez la main, je vais prier. Nous allons prier ensemble. Vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ? Levez la main, levez la main. Ensemble, nous allons prier. N'ayez pas honte de ce que vous faites. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la croix. Il a envoyé sur la terre pour mourir à la croix pour vous. Et aujourd'hui, tu veux prendre une décision de l'accepter. Accepter ce sacrifice afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Levez la main. Je vais prier pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir enseigné encore sur la prière. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Seigneur, fais-nous grâce toujours de croire à ta parole et de croire à la prière. Merci Seigneur pour être privilégié, pour être parmi ceux qui peuvent parler et que tu vas écouter. Seigneur, merci d'être appelé par ton nom. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice. Nous t'aimons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Nous allons prendre notre deuxième offrande rapidement. Dans 3 minutes, nous serons partis d'ici. Nous serons prêts pour le deuxième culte. Si vous avez votre dîme, levez-vous, s'il vous plaît. Vite, vite, vite. Merci. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une offrande aussi, j'aimerais que vous preniez votre offrande en main. Vous leviez la main. Vous levez la main. Nous allons prier. Levez la main. Je ne vois pas les mains. There's nobody giving offering on this side. Ok, prions. Seigneur, merci. Pour tous ceux qui payent leur dîme ce matin, honore-les, Seigneur, afin qu'ils puissent continuer à te servir en joie. Seigneur. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, LCI, La Belle Église, pour plus de messages. Soyez bénis.